corazón, mi corazón. Te lo dije bien. San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Gamozo, bienvenue à vous et content de vous retrouver tous les 15 jours de mercredi par mois dans 90 minutes pour Boomerang. On est ensemble jusqu'à 17h30 avec la fine équipe, aujourd'hui présent avec nous en studio et pour animer les échanges et débats sur des sujets divers et variés, on retrouve Magali. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Félicie. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. L'ami Dominique. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et puis il y a des hommes aussi, hein. La parité n'est pas complètement équilibrée, quoique si, on est trois femmes, trois hommes, donc si. Il y a Ségoudino avec nous. Ça va être animé. Et puis Pascal à la technique. Oui, l'ami du jour, bonjour, comme on dit. Hein. Puis Jean-Baptiste. Voilà, ouais, je ne peux pas me présenter, donc merci Ségoudino. Ouais. Alors, vous connaissez le principe de l'émission, je le rappelais à l'instant. On aborde à travers des chroniques de nos invités des sujets divers et variés, on rebondit dessus et on dérive dans d'autres sujets et on essaye toujours de garder le fil rouge. Alors, on va rentrer tout de suite dans l'actualité avec l'ami Félicie qui va nous parler de cinéma. Et en plus, c'est bien, on est en plein dans la quinzaine du Festival de Cannes. Version 2018, oui. Avec le film, alors qui n'est pas, je rappelle, bien sûr, au Festival de Cannes, oui. Mais c'était pour évoquer le côté cinéphile. Oui. Alors tu vas nous parler de trois films aujourd'hui, oui. Entre autres pour commencer La vie d'Adèle. La vie d'Adèle. J'ajouterais avant que effectivement c'est la période du Festival de Cannes et qu'à la télévision, il y a France O et Arte qui font des efforts pour nous passer des bons films. Qu'il faut en profiter, votre télé jusqu'au 23 mai, vous verrez vraiment des belles choses. Donc moi j'ai vu un petit peu quand j'ai la possibilité de regarder la télé. Donc effectivement j'ai vu La vie d'Adèle qui avait été primée il y a quelques années, je ne sais plus en quelle année, mais bon, c'est un film qui est très connu. C'est tout simple, c'est l'histoire passionnée de deux jeunes filles, l'une lycéenne, l'autre peintre, qui s'aiment. Et où l'amour les mènera-t-elle ? Voilà, c'est ce que va dire le film. Tu peux nous rappeler les actrices ? Il y a Léa Seydoux et Adèle Alkakopoulos. Donc plutôt des actrices qui sont dans un cinéma d'auteur, on va dire. Oui, Léa Seydoux, à l'époque, était jeune. Et il faut rappeler que Léa Seydoux, c'est la sœur du producteur de cinéma. Mmh. Après, je pense qu'elle se fait une belle carrière. L'autre, Adèle, aussi. Maintenant, voilà, bon, est-ce qu'elles ont fait d'autres choses que je n'ai pas vues ? Certainement. Oui, elles ont une filmographie assez conséquente. Oui, Alors revenons sur ce film-là. Pourquoi tu as eu envie dans Boomerang aujourd'hui de nous évoquer entre autres ce film ? Parce que, première raison, tout le monde l'a vu sauf moi. Tout le monde l'avait vu sauf moi. Et en fait. Pas vu non plus. Ah bah justement, c'est bien, elle va peut-être pouvoir te. Oui. Mais te donner l'envie. En fait, ce qui m'a donné envie de regarder, c'était, j'avoue, un peu le côté sexuel d'une relation entre filles. Ouais. J'avais jamais trop vu ça c'est vrai que c'est tendre. Et bon, après, moi, je serais peut-être pas dans cette situation. Tu vois déjà Pascal qui grimace. Non, mais je précise, je ne suis pas dans cette situation. Mais alors sans évoquer ton cas personnel, qu'est-ce qui t'a finalement touché dans cette relation homosexuelle entre deux femmes ? L'accueil de la famille, en fait. Il y a une famille qui est au courant que leur fille est homosexuelle, ça pose aucun problème. Et l'autre famille n'est pas au courant. Mais ce qui m'a touché aussi, c'est les petits détails, comme il y en a une qui déteste les crustacés et l'autre qui adore ça, elle va se mettre à manger des huîtres, ou elles vont découvrir plein de choses ensemble en fait. Donc on peut dire que c'est, on est plus dans le romantisme, dans une relation homosexuelle qui attache plus sur l'aspect du romantisme. Oui, c'est très passionné d'ailleurs. La connaissance de l'autre aussi. Oui, la connaissance de l'autre. C'est une approche en fait qu'on n'a plus peut-être avec le côté masculin-féminin, un homme qui approche une femme. Là, elle s'aborde vraiment comme des fiancées dans le temps, quoi, comme dans les années 40, où il y a toute une préparation, une connaissance des goûts de l'autre, une connaissance de... Alors, on évoque l'aspect homosexuel. Il faut savoir que dans l'époque où l'histoire se passe, l'homosexualité était encore pénalisée et considérée comme une maladie à part entière. Ah bon, c'est quand le film est sorti, c'était... Non, pas quand le film est sorti, mais au moment où l'histoire se passe. Oui, d'accord, ouais. Mais c'est vrai que ce qui m'a touchée, c'est que ces deux filles, elles s'approchent. Elles tu évoques l'époque à l'instant, là. Oui, elle dit j'ai besoin de te respirer, de te toucher. C'est comme un amour des années 50-40, où il y a toute une cour qui se fait, on compte fleurettes. Ça m'a beaucoup touchée. Parce que moi, j'ai dû voir le film une fois, il y a très longtemps, mais je ne me souviens plus exactement de l'histoire. Et c'est pour ça que c'est intéressant que tu réévoques. Mais l'époque, il faudrait nous situer l'époque. Bah, je pense que c'est à l'époque contemporaine. Ah oui, donc non, alors je me suis trompée non. J'ai dit qu'il y avait une dépénalisation, que ce n'était pas encore. Oui. Puisque l'homosexualité, c'était en 81. Oui, puisque... Elle a été dépénalisée, donc il faut voir après. Parce que dans le film, elles vont à la Gay Pride. Hein. Ah oui, donc c'était déjà dépénalisé, et l'homosexualité, bien sûr, reconnue à part entière. Ouais. D'accord, ok. Et c'est vrai que c'est touchant aussi. Mais ce qui est ce qui est triste dans le film, c'est que c'est un amour passionnel. C'est ça qui est intéressant, ce côté jusqu'au boutisme. Oui, il y a un moment où ça ne peut plus marcher parce qu'il y a la routine qui s'installe aussi. Mais en fait, c'est un film, c'est un amour passionnel. Hein. C'est pas... Il y a un moment, elles croient qu'elles vont réussir à s'installer dans la routine et dans le quotidien. Mais en fait, ça ne va pas pouvoir se faire. Et donc, c'est une espèce de petite trahison. Enfin, je ne vais pas tout vous raconter. Mais après, elles essaient de se retrouver. Mais quand l'eau est passée sous les ponts, comme on dit... Alors, moi, j'ai une première réaction autour de cette table que j'ai envie de vous transmettre. Que pensez-vous déjà de ce que Félicie vient de nous évoquer? Par exemple, Dominique, Magali, Segundino, qui veut prendre la parole. Et puis, du côté passionnel, est-ce qu'on peut imaginer finalement que l'amour peut être passionnel? Est-ce que c'est intéressant d'aborder l'amour d'une manière romantique, encore à notre époque? Ou est-ce que vous pensez qu'on est plus peut-être dans de la consommation aujourd'hui et qu'on s'aime plus vraiment pour des raisons profondes? Est-ce que vous pensez que l'amour est vraiment quelque chose qui peut prendre multiples facettes? Dominique, peut-être? Vois inspirée. La passion, elle peut être vécue à tout âge, mais c'est plutôt dans la jeunesse. Et puis après, quand on devient plus adulte, qu'on a écopé de quelques relations malheureuses, on est plus pour construire quelque chose Donc toi, tu penses que l'amour en lui-même dépend l'expérience que l'on a dans ce domaine-là? Si on a vécu plusieurs histoires malheureuses, passionnelles peut-être qui se sont mal passées, après on peut vivre quelque chose de plus... Est-ce que c'est plus quelque chose qu'on a en soi? C'est-à-dire qu'on a tous une personnalité différente, une sensibilité, une vision de l'amour différente qui fait qu'on va dans des histoires peut-être plus passionnelles que d'autres personnes qui sont plus peut-être dans quelque chose de matériel. Peut-être. Oui, peut-être, mais aussi au fur et à mesure des âges, on n'a pas toujours la même perception de l'amour. D'accord. Quand on a vécu des choses avant... Donc c'est pas forcément lié à l'expérience, mais plus à l'époque. À l'âge qu'on a, par rapport au regard qu'on a. Oui. D'accord. Alors Pascal, il n'a pas l'air d'accord. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. La passion, pour moi, ça déboule de ce qu'on appelle un coup de foudre. Et le coup de foudre, tu peux l'avoir à n'importe quel âge. Et donc, moi, je suis assez d'accord avec ça. Donc la passion vient souvent de... Mais la passion est forcément très destructrice dans le couple. Parce que Un amour passionné, c'est jamais bon. Vaut mieux un amour assez calme, un amour calme. Moi, j'en vis beaucoup les vieux couples qui ont réussi à justement à tenir sur les années, parce que il y a, en plus de l'amour, il y a le respect de la personne. Et en fait, d'ailleurs avec l'expérience, c'est sûr que quand un amour démarre, on est toujours passionné. Mais avec le temps, la passion, elle se désagrège, et c'est difficile de voir la passion se désagréger. Et quand si on persiste et qu'on attend, après on a ce respect qui prend la suite. Secondino, tu voulais réagir? Moi j'écoutais François Hardy il n'y a pas longtemps, qui était interviewé par... dans le cadre de son dernier album. Oui, je crois. Mm-hmm. Ouais. Et on lui a posé la question si elle croyait à l'amour. Alors oh là là, elle avait été malade, elle avait eu un cancer, je crois. Hein. Oui, mais même au-delà de ça, elle a une vision très noire de l'amour. Elle disait, jeune, elle était naïve, elle était, ouais, elle croyait. Elle dit ça. Et ouais, aujourd'hui, elle dit pas du tout, j'y crois pas du tout. Donc, elle donnait pas de précision sur ce dont à quoi elle croyait, mais elle ne croit pas à l'amour. Alors, moi non plus, j'y crois pas. Donc, t'es un peu comme François Hardy, t'es dans cette lignée-là. Non, mais j'en suis venu à me dire par réflexion que pour que ça marche, c'est pas de l'amour, c'est une complicité, c'est des choses qui collent, c'est des choses. Est-ce que l'amour ne peut pas passer par la complicité? C'est aussi une forme d'amour, la complicité. Oui, l'amour égale souffrance. Et pourquoi ça, c'est intéressant. Et le mot développe. Parce qu'on est malade d'avance. Il y a des choses qui sont pas réglées en nous. Il y a des choses qui sont pas réglées, que il faut qu'on passe ce cap de la blessure pour le guérir. Alors, est-ce que tu penses qu'il faut d'abord être bien dans sa peau, être prêt soi-même pour rencontrer l'amour, et que l'amour ne peut pas servir de pansement à un mal-être ? Pensez à nous. Ah, oui. Tu penses à dire à toi. Donc l'amour pour toi ne peut pas être un pansement pour mieux aller. C'est clair. Il faut s'aimer d'abord. Non, mais moi je pose des questions. C'est votre avis qui m'intéresse. Être autonome en soi. D'accord. Et ensuite, pouvoir avoir une relation avec l'autre qui, elle, réagit avec la même mentalité. Ouais, je suis assez d'accord avec cette vision des choses. Voilà, quand je vois les choses. Ouais. Moi, je voulais relever ce que disait Secondino, qui est tout à fait vrai. Amour, la définition latine du mot amour, c'est souffrance. Mm-hmm. Mais l'amour, c'est une souffrance qui est agréable. Parce qu'on se sent tout fou. C'est pas complètement faux ce que tu dis. Il y a une espèce de folie. C'est intéressant comme approche. Et je voulais dire, en fait, cette folie, c'est ça la passion un peu. Et que ce soit chez les homosexuels, en fait, c'est pareil que chez nous. Soit ils vivent un amour passion et ils n'arrivent pas à en sortir. Après, ils se stabilisent. Moi, je pense qu'il faut même aller au-delà de ça. On ne va pas parquer dans des ghettos, ghettoiser les castes. L'amour, c'est entre deux personnes. Oui, qu'on soit du même sexe, de sexe différent. C'est chez tout le monde. On ne sait pas d'où ça vient. Il y a des amours passion qui réussissent, qui arrivent à devenir amour calme. Il y a des amours calmes qui restent pendant des années. Puis il y a un divorce parce qu'il y a un coup de passion qui arrive ailleurs. On ne sait pas finalement, mais ça, je pense que l'amour est toujours souffrance, mais que de cette souffrance naît une folie qui est agréable. Ouais, mais c'est vrai. Mmh. Pascal ? C'est clair qu'il y a une corrélation entre l'amour et la haine. Plus il y a d'amour, et plus quand ça casse, il y a de haine. C'est la même racine. Oui. Bah oui. Ouais. Il y a la même fougue, mais c'est l'émotion totalement inverse. Ouais. Mais souvent, quand on aime quelqu'un, qu'on tient à une personne, et qu'on est séparé par des événements divers et variés, on peut justement ressentir une haine. Une intensité vraiment de haine envers cette personne-là, pas tout le monde, mais il y a des gens quand même à qui ça arrive. Pour moi, c'est pas de l'amour. C'est... Alors, toi, c'est intéressant, tu dis c'est pas de l'amour. Je sais pas, l'amour. Non, mais c'est bien, il faut que chacun ait son aussi, avis. Ne prends pas froid, prends soin de toi, c'est protéger l'autre aussi. Donc, c'est on est dans une protection. Toi, l'amour, tu vois quelque chose de protecteur. C'est pas parce que. Et toutes vos idées sont intéressantes. Moi aussi, je suis comme Dominique, je pense la même chose. C'est pas parce que. C'est Gondino. On a des idées parallèles que l'un ne peut pas défendre l'autre. Que l'un. Complètement. Que l'un abandonne l'autre. Ouais. Tout à l'heure, je voulais dire quelque chose sur l'amour. L'amour rend jaloux. Jaloux, c'est... Ça dépend des personnes. Oui, la jalousie vient d'un manque de confiance en soi, on va être abandonné par l'autre, il va aller voir ailleurs, parce qu'on ne le mérite pas, parce que finalement on est moins bien, on se dévalorise. La jalousie, c'est un peu cette mécanique. Il y en a qui aiment être jaloux. Aussi, il y en a qui aiment ça. Il trouve une certaine perversité, perversion, pardon. Exact, on rend la perversion. Il y a quand même une différence entre la jalousie et le machisme. Ah ben bah ça, oui, c'est pas tout parce à fait pareil. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes quand même qui ne laissent pas leur femme sortir. On peut dire que je laisse pas ma femme sortir, je laisse pas ma femme s'habiller court parce que je suis jaloux, mais c'est aussi, ça peut être aussi par machisme. Oui, le machisme, on est plus dans une notion de domination sur l'autre. Par des valeurs d'ailleurs qui ont malheureusement par le passé quand on lit des fois la vision de la femme en 1930 en 1920 au quotidien, elle était quand même énormément soumise à son mari, elle lui devait le respect, elle devait faire la cuisine, elle devait être là à ses petits soins quand il rentrait du travail, elle avait pas de compte en banque, elle dépendait de lui. Elle avait pas le là droit on de était vraiment dans un machisme établi. Après il y a le côté macho aussi qui a été beaucoup évoqué dans les films Les Nanars par Aldo Macchione, cet acteur là qui a porter à la caricature cette attitude machiste. Ouais, mais... Jean-Baptiste, Félicie. Je ne suis pas trop d'accord avec toi, parce que dans les années 20-30, c'est là qu'il y a eu l'émancipation de la femme. Elles se sont mises à fumer, à conduire. Oui, les années folles, avec les garçons, tu évoques les garçons en 1925. Oui. Mais c'était quand même des castes qui appartenaient à la bourgeoisie. C'est plus géré dans la fin des années 50, début 60 et 70, après avec la révolution sexuelle et tout ça. Il y a un personnage médiatisé, je ne me souviens plus son nom, qui racontait que sa mère, dans les années 60, alors début 60 ou fin 50, elle décide de passer le permis de conduire, et ce qui était rare de voir une femme conduire, c'est vrai. Très, très, très rare, et de conduire. Et le voisin, qui était un paysan, regardait ça d'un mauvais œil. Alors elle n'arrêtait pas de buter quand elle faisait une marche arrière sur un talus, et elle partait comme ça, toute heureuse. C'est un exemple. Il y avait les boules, quoi. Magali, on n'a pas eu trop ton avis. Tu as l'air silencieux sur la question. Moi, j'écoute. T'as bien un avis ? Oui, j'ai bien un avis. Moi. Alors ? J'étais un peu d'accord au début avec Pascal, c'est de faire confiance. S'il n'y a pas de confiance... Tu rejoins Dominique aussi. Oui, s'il n'y a pas de confiance entre les deux, ça ne peut pas marcher. Puis je dis, la jalousie n'a jamais fait bon ménage. Non. Ouais. Ça, c'est vrai. La jalousie... C'est une parole sensée. On est d'accord. Pascal, et on passera au deuxième film de Félicie. C'est vrai qu'aujourd'hui, en Europe, la femme est très émancipée, mais il y a, malheureusement, il y a une religion ou plusieurs religions où c'est encore resté pareil. Il y a une grande partie de la Terre où la femme est toujours restée complètement soumise. C'est vrai qu'en Europe, la femme est émancipée, même si elle n'y a pas vraiment la parité pour l'instant, que ce soit en politique, dans les métiers. La religion fait beaucoup de tort à la liberté. Moi, je suis croyante, mais je suis d'accord avec toi, Secondino. Dans la religion, la place de la femme, il faudrait la réviser. Bon, c'est un tour de table en tout cas intéressant. Un dernier mot, Pascal, sur ce sujet. Oui, il y avait une petite chose que tu disais sur l'amour tout à l'heure. Tu parlais des petites manies des filles, en fait. Et ça m'a fait penser à un film qui avait pas tout à fait le même sujet, mais donc il en parlait aussi. C'était Will Hunting. En fait, c'était Matt Damon qui était un surdoué. Il était tellement surdoué qu'il pensait pas trouver l'amour avec une personne qui était forcément moins intelligente que lui. Et son psy lui a dit qu'il a, en fait, dans sa vie aujourd'hui, il était veuf, mais ce qui lui manquait le plus de sa femme, c'était ses petits travers. Le côté humoristique qui apparaît de temps en temps. En fait, dans ce cas-là, il disait qu'elle faisait des fautes au lit, et puis qu'en fait, ça lui manquait maintenant, même si à l'époque, ça lui plaisait pas. Bon, c'est bien, c'est un tour de table intéressant. Donc, on voit finalement que chacun a un avis différent sur la question et que l'amour, c'est quand même universel. C'est quand même le moteur de l'existence, quoi qu'on veuille en dire. Ah oui. Après, il se multiplie à l'infini, se démultiplie à l'infini à travers nos personnalités respectives et les rencontres que l'on fait et le feeling mystérieux qu'il peut y avoir entre deux personnes. Sur cette terre-là, dans l'histoire terrestre. Eh bien, tout ce que tu dis, je vais le reprendre pour vous présenter le deuxième film. Alors, qui s'appelle Les Délices de Tokyo. Les Délices de Tokyo. C'est un très joli titre. C'est très joli, c'est très poétique. C'est une musique. Ça amène. En fait, tout le film est dans cet esprit. Les Délices de Tokyo, comme tu dis, l'amour, c'est le moteur du monde. L'enchaînement étouffé. L'enchaînement étouffé, c'est le moteur du monde. Et là, il va s'agir d'une histoire d'amour. Mais l'époque, je pense que ça se passe là-bas. Non, contemporain. C'est contemporain, d'accord. Et en fait, il va tisser une histoire d'amour. Bon, c'est pas une histoire d'amour traditionnelle, mais un amour quand même amitié entre une vieille dame et un patron. Alors, je vous dis ce qu'il en est. Dans une échoppe de pancakes, trois lycéennes rient et s'amusent. Le patron, un peu sombre, ne les suit pas. Puis frappe à la porte Tokwe, 76 ans, qui cherche du travail. Le patron la renvoie, mais elle revient et lui confie qu'elle sait faire la pâte de haricot comme personne, une pâte de haricot maison et non industrielle. Le patron l'embauche et leur clientèle augmente de beaucoup. C'est la queue dehors. Jusqu'au jour où la propriétaire de l'échoppe vient entunier le patron qui doit rembourser son mari des murs, en lui révélant que Tekwe ne peut plus continuer à travailler ici car elle a eu la lèpre. Une autre jeune fille et ce patron, qui a aussi sa part d'ombre, il était alcoolique, il a fait de la prison. Tous les deux, ils vont aller voir, ils vont rendre visite à cette dame à Tekwe, au sanatorium, connaître ses amis, s'insérer un peu dans son monde. Je vous en dis pas plus, mais il y a un respect entre le patron et la vieille dame. La vieille dame, elle est pleine d'humilité, elle adore sa pâte de haricot et elle respecte son patron, elle respecte les clients. Donc là, c'est ce qui est intéressant dans ce que tu évoques dans ce film, c'est le respect intergénérationnel qu'il peut y avoir à travers une histoire. Ce que j'évoque, c'est l'émotion, le côté émouvant qui est là tout le temps. C'est tendre, c'est un film tendre, il n'y a aucune violence. Dominique. C'est la taille humaine. C'est la taille humaine. Le Japon, ils sont quand même connus pour la compétition. Les rendements de travail. Oui, tout à fait. Donc, c'est intéressant de voir dans cette petite entreprise. Oui, c'est une toute petite échoppe dans un quartier pauvre. Lui, il fait ses pancakes. Il a trouvé un boulot là en sortant de prison et il a loué les murs à des propriétaires. Il doit rembourser, en fait, le propriétaire. Et il va pas vouloir embaucher cette dame parce qu'il n'a pas de salaire à lui donner. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle sait faire la pâte de haricot maison et du coup, il va quand même l'embaucher. Ouais. Pascal ? En fait, c'est normal qu'il ne l'embauche pas. Il y a déjà eu une épidémie en France qui a été due à une personne comme ça, qui était serveuse dans un restaurant, qui était même cuisinière dans un restaurant et qui avait la typhoïde qui était dans ses mains. Elle était porteuse, mais dans ses mains. Et je crois que c'est Marie Typhoïde, si je ne me trompe pas. Mmh. Et donc, elle a été à l'origine d'une épidémie de typhoïde parce qu'elle était cuisinière dans un restaurant et qu'elle a donné la typhoïde à toute une ville et ça a fait une épidémie complète. C'était en quelle année, ça, Pascal ? Je ne sais plus la date exactement, j'ai appris pas ça. Pas très poétique, ça. Non. C'est moins poétique que le titre. Alors, on passe au troisième film. Si. Ah oui, non, le H défend le film. C'est poétique de A à Z. Hein. Non, mais on disait par rapport à l'anecdote que vient d'évoquer la typhoïde, Pascal. On disait que c'était moins poétique que l'histoire que tu viens d'évoquer et que le titre de ce film. Et dans ce film, je veux juste finir là-dessus. La caméra est tournée vers les cerisiers. En fait, c'est dans tout le film, il y a des cerisiers magnifiques. Alors, ton troisième film, c'est un titre anglais, Earth the Dog. Oui. Alors, on t'écoute là-dessus. Alors, c'est un film c'est moitié documentaire, moitié film de Laurie Anderson, qui est la femme de Lou Reed, le chanteur, que beaucoup connaissent. Mmh. Alors, c'est pas du tout rock'n'roll, son film, mais il tourne des questions-réponses sur l'humanité. Elle a pris le film, en fait, elle a trouvé une technique. Elle filme à partir de sa chienne Lola Belle. Mmh. Laurie Anderson habitait Manhattan en septembre 2001. Elle parle de la vie, de la mort, des voyages, de la mort du nourrisson, des vies ultérieures, des caméras de surveillance, et bien, de bien d'autres choses encore. Mais le plus beau moment est lorsqu'elle explique que quand Lola Belle devient aveugle, sa chienne devient aveugle, sa gardienne, donc la gardienne de la chienne, lui apprend la musique. Et c'est un rat terrier comme chien. Et en fait, elle explique que les rats terriers, c'est les chiens musiciens, quoi. C'est ceux qui ont l'ouïe la plus développée. Et ils entendent surtout dans les aigus. Tout ce qui est dans les aigus. Alors Pascal, il a l'air sceptique. Oui, tous les chiens sont capables d'entendre les ultrations. C'est pas spécifique au terrier, je te l'ai déjà dit hier. Mais enfin là, dans le film, elle est filmée, Lola Belle, cette chienne. Et quand elle devient aveugle, il décide de la mettre au piano pour qu'elle puisse faire quelque chose, quoi. Pour l'occuper. Et alors, ils lui mettent des pilons sur les pattes. Mmh. Et elle joue du piano et elle a même fait un album de chants de Noël

Allez, on continue, on poursuit l'émission 90 minutes pour Boomerang avec nos amis Félicie, Magali, Segundino, Dominique, moi-même Jean-Baptiste et Pascal à la technique. On enchaîne avec toi Dominique, on continue dans le cinéma, et oui, dans cette quinzaine de Cannes, pour évoquer le festival de Cannes de version 2018. Encore une fois, c'est pas un film qui est forcément lié. On continue dans le cinéma avec ce film, La Malédiction Winchester. Alors, je vous raconte. Oui, c'est un film qui est assez récent, que j'ai vu en VOD, et c'est l'histoire, c'est une histoire basée sur des faits réels. Ça parle de la veuve Sarah Winchester, vous savez, les armes, les fusils Winchester, la carabine Winchester, la carabine en fait, qui était avec, on pouvait réarmer par dessous, c'était pendant la première, la guerre de sécession, et c'est ce qui a permis aux nordistes de gagner la guerre en fait. Donc cette dame a construit une maison autour des esprits qui ont, enfin des personnes qui ont été tuées par ces armes. Il y a comme une malédiction dans cette maison. Elle opère par un peu dessin automatique, écriture automatique pour dessiner les plans de la maison dont les travaux vont continuer pendant des années jusqu'à sa mort. Et parce qu'elle veut construire comme un asile, une prison pour ces esprits qui doivent être... En fait, c'est les esprits qui sont morts à cause de cette carabine Winchester qui se retournent en fait au constructeur de la carabine. Donc son mari étant mort, c'est elle qui a récupéré la malédiction. Et pour pouvoir communiquer avec, elle refabriquait le lieu où ils étaient morts. En fait, et ça leur permettait aux esprits et à elles de pouvoir communiquer et de pouvoir leur donner la paix et pour qu'ils puissent remonter, aller vers la lumière, remonter au ciel. Oui. Alors, on est dans le surnaturel, on est dans éventuellement le spiritisme, l'ésotérisme, tous ces domaines-là. C'est une histoire vraie. En fait, la maison existe vraiment. La Winchester existe vraiment et la compagnie existe vraiment. Et la maison existe vraiment. Elle a, je ne sais plus combien, 200 ou 300 pièces. En fait, une fois que l'esprit... Et donc, on est même plus sur un château, un castellet. C'était une personne qui est quand même très riche parce que la Winchester se vend toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Et donc, une fois qu'il y avait des ouvriers qui construisaient constamment cette maison, et quand le fantôme était parti au ciel, elle détruisait la pièce pour en fabriquer une autre. Alors qu'est-ce qui t'a plu dans ce film, au-delà de l'histoire, l'ambiance, le... Elle a une parole, elle dit tout ce qui tue se retourne contre nous, quoi. Donc il y a une malédiction des armes, et moi je suis pas contre... Je suis contre les armes. Alors pourquoi tu es contre les armes ? C'est intéressant peut-être de faire un tour de table sur ce sujet-là. Je suis pacifiste. Ouais. Bienvenue au club. On essaye de l'être le plus possible. Et puis, je vois aux États-Unis, il y a quand même une prolifération d'armes dont Trump fait un peu... Vous avez vu récemment, je ne sais pas si c'est une caméra cachée, c'était un fuck de toute façon, ils avaient mis comme les vélos à louer, les Vélib, ils avaient mis des supports électroniques dans une rue, mais ce n'est pas en France, je crois que c'est aux États-Unis, avec des armes mitrailleuses. Alors je ne sais plus lequel type, c'était pas une Kalachnikov, mais enfin c'était une arme mitrailleuse, un fusil d'assaut, qui était fixé à la borne comme un vélo. Et les gens, moyennant finance, ils pouvaient fournir l'arme puis l'utiliser comme ça à bon escient. Alors c'était une caméra, je crois, cachée, c'était en tout cas un fuck, pour voir la réaction des gens par rapport à ça. Mais c'est hallucinant de voir ça. Et j'ai vu une autre image aussi d'un enfant qui manipule dans un magasin d'armes, il a 4-5 ans, une arme automatique devant une nana qui se revendique justement ne pas être pacifiste. Je sais pas exactement qui est cette femme-là, je ne me souviens plus, c'est des images qu'on voit comme ça sur les réseaux sociaux. C'est terrible. Mais des trucs qui sont vraiment choquants, quoi. Bien sûr. C'est aux États-Unis toujours. En fait, Trump, il y a une quinzaine de jours ou trois semaines à peu près, a dit que si en France on était armé comme aux États-Unis, le Bataclan ne serait jamais arrivé. Le Bataclan ne serait jamais arrivé aux États-Unis. Alors, quel est le rapport aux armes ? Ce que dit Trump. Est-ce qu'on peut dire que... Parce que l'arme, voilà, il y a différentes armes, il y a l'arme blanche. Ça aurait été pire encore. les armes blanches, les armes à feu. Il y a différentes catégories d'armes, mais quel rapport on a aux armes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez, vous, du port d'une arme? Est-ce qu'on doit légaliser encore plus ça? Parce qu'il y a quand même, ça, c'est quand même un véritable commerce. Hein. Je vois que ça vous inspire, les doigts se lèvent. Alors, Dominique en premier, et ensuite Félicie. Je pense qu'on ne peut pas mettre ça dans les mains de n'importe qui. On ne peut pas acheter librement une arme et puis s'en servir sans savoir s'en servir. Quoi. Donc après, en ce qui concerne les armes blanches, et les couteaux, on peut quand même s'en procurer partout. Ouais. Oui. Malheureusement, et on voit les derniers événements à Paris, c'est des attaques au couteau. Hein. Oui. Alors, moi, je suis archi contre les armes. Je suis même pas pour qu'un vieux paysan il ait un fusil, sauf peut-être pour tirer en l'air et éloigner les oiseaux. Je suis contre. Il y a d'autres moyens alors, si c'est je le cas. Je suis contre toutes les armes, seulement. T'es contre la chasse, t'es contre. Oui. T'es contre le loisir du tir mais aussi. Alors, il y a juste un truc, c'est le problème de la sécurité. Ouais, moi, intéressant. Je sais que des fois, moi, je me suis sentie pas très en sécurité. Il existe des bombes, vous savez, les bombes lacrymogènes, ouais, qui sont passées dans la catégorie d'armes. Mmh. Et je trouve que c'est une erreur. Qui sont plus des armes de dissuasion ou de protection. Oui, c'est une erreur parce que le jour où on est suivi par un pervers ou je sais pas quoi, un fou, on peut quand même se protéger et éviter le pire. Alors Pascal et puis Ségolino après. Moi je vais dire une chose par rapport aux bombes lacrymo. Moi j'en ai pris un coup dans la figure et je te promets que j'ai eu le temps de lui rentrer dedans avant de m'écrouler par terre. Donc tu estimes que ça n'a pas eu l'efficacité. Ça n'a pas eu l'efficacité qu'il attendait, hein. Ça c'est clair. Hein. Ah. Par contre, après tout dépend de la sensibilité des yeux de chacun. Maintenant j'ai une autre version moi. C'est sûr que pour se défendre des fois une arme ça peut être utile. Il est clair que je préférerais mourir d'une balle en pleine tête que d'être découpé à coups de couteau et perdre tout mon sang. Enfin bon, quant à choisir, aucun des deux. Hein. Mais moi, j'adore les armes et je fais du tir, mais je fais du tir pour le plaisir. Dans les cartons. Je ne vais pas aller tirer sur quelqu'un. C'est pas l'arme qui est dangereuse, c'est la personne qui la tient. Oui, j'en sais pas. Moi, il y a une époque, j'ai fait du tir à l'arbalète, hein, par passion. C'est pas pour ça que j'étais dans une violence ou dans un esprit de violent et de vouloir faire de mal. On tirait sur des. Quand j'ai fait l'armée il y a une trentaine d'années, j'étais très bon tireur. Et pourtant, je n'aime pas les armes au départ, mais j'avais à l'époque, je ne sais pas, peut-être Pascal, on est à peu près de la même génération, le PM-49 qui était fabriqué à Tulle, qui a été remplacé par le FAMAS, qui lui-même déjà a été remplacé d'ailleurs récemment. Moi, j'avais le FSA. C'était un fusil mitrailleur. Je l'avais avec moi jour et nuit. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui aime les armes. Mais bon, voilà. Après, j'étais dans un domaine. J'étais dans une histoire pendant un an de service militaire, dans l'armée de l'air, entre autres. Et les armes étaient familières autour de nous et on les a utilisés et je me suis aperçu que j'aimais ça, j'aimais tirer à l'arme. Ah oui, c'est bien. Mais c'est pas pour ça que j'avais une volonté de vouloir tuer, une agressivité, une violence, c'était des cibles, mais je faisais des cartons, j'avais un œil directeur droit alors que je suis gaucher en plus. Ça c'est mon instructeur qui l'avait remarqué et je me suis découvert pas une passion, je dirais, mais on a une certaine puissance, on a une certaine décharge d'adrénaline, on va dire, à travers ce type d'activité aussi. Donc ça peut être assez envoûtant, fascinant. Aussi. Vous savez comment on détermine son œil directeur? On regarde un objet et on met le doigt devant et on ferme un œil. C'est ce qui m'avait fait faire. Et quand tu fermes un œil ou l'autre, tu verras qu'à un moment, l'objet il n'est plus derrière ton doigt. Donc si l'œil ou l'objet et le doigt sont alignés, c'est l'œil directeur. Après l'histoire de l'arme, à travers l'histoire dans le monde. Les guerres, que ce soit dans l'Antiquité, que ce soit même au moment des hommes préhistoriques, que ce soit à la Renaissance, que ce soit à la Révolution, les armes ont toujours fait partie de l'homme pour se défendre, c'est comme ça. C'était terrible, je veux dire, au Moyen-Âge, des gros boulets. Mais toutes les armes sont terribles, toutes les armes sont terribles. Honnêtement, il n'y avait pas de loi. Aujourd'hui, il y a des lois. C'est pas parce qu'à l'époque, on servait des armes. C'est ça qui est important. Voilà, aujourd'hui, il y a des lois. Moi, je voulais dire une chose, c'est qu'en France, la loi est très bien faite là-dessus. Alors pourquoi? Parce que déjà, elle interdit la vente d'armes à quelconque. C'est pas quelconque qui aurait une arme. Un chasseur, on passe un diplôme pour l'avoir. On dit, c'est bien de le rappeler, t'as raison. On dit que les chasseurs boivent beaucoup. Bon, bah, écoute, Il n'y a que des fusils de chasse. Après, on s'aperçoit quand même qu'on peut se procurer des armes assez facilement. Hélas, on le voit. Oui, mais c'est illégal. C'est illégal. Oui, mais donc on arrive quand même. Donc c'est pas filtré à 100%. Il y a une lutte et une répression contre ça. Il y a une lutte. Très juste, je suis d'accord. Tu te fais piquer avec une arme. Il y a trois. Tu peux pas justifier. Tu as des problèmes. Voilà ce que je voulais dire. La loi est bien faite ici. Non, mais t'as pas tort. Et dans beaucoup de pays d'Europe, c'est pas le seul pays. La législation du port d'armes est de toute façon essentielle. Exactement. Pascal. C'est vrai, il y a trois façons de pouvoir. Pour les quatre types de catégories d'armes. Il y a trois façons de pouvoir une arme. Il y a bien sûr le permis de chasse qui te permet d'avoir un fusil de chasse. Il y a le détention d'armes et le port d'armes. Le port d'armes, c'est par rapport à un métier où tu dois te défendre, comme les policiers, comme les convoyeurs de fond. Mais le détention d'armes, il suffit de faire partie d'un centre de tir pour avoir le détention d'armes, c'est-à-dire que tu as le droit de posséder une arme, sauf que quand tu la déplaces, elle doit être, on ne doit pas pouvoir tirer avec. Le percuteur doit être enlevé, voilà. Donc tu la démontes et tu la remontes au centre de tir. Mais après, on s'aperçoit aussi que dans le mot arme, on peut le décupler à l'infini. On voit bien avec l'attaque de Nice, c'est un camion qui a servi de camion bélier, donc d'arme, alors que un camion n'est pas au départ une arme, c'est un véhicule de transport. Mm-hmm. Et là, il a été transformé en outil arme pour écraser des personnes. Faut pas que ça finisse par donc, ce qu'on appelle... Tout dépend de l'homme. Tout peut devenir une arme pratiquement dans les objets, à partir du moment même un objet qu'on va taper sur quelqu'un avec, peut devenir une arme. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, la notion d'arme à définir. Il y a l'objet lui-même qui est fabriqué en tant qu'arme, dans ce que l'on vient d'évoquer, mais il y a aussi plein d'autres moyens de manifester de l'agressivité et d'essayer d'être dans la volonté de détruire quelqu'un ou un groupe ou autre chose par l'arme. Et il y a aussi les armes psychologiques, les armes chimiques aussi. Parce que le terrorisme, finalement, et je pense que vous serez d'accord, il y a effectivement un acte sur des personnes physiques, mais ensuite, dans le mot terrorisme, il y a le mot terreur. Et ça fait un double dégât qui est bien plus vicieux et bien plus grand et plus durable dans le temps. C'est la terreur, c'est terroriser les gens, c'est-à-dire entretenir et développer une psychose. Et c'est ça surtout qui est dangereux dans le terrorisme. La manipulation, et ça aussi, c'est une arme. Manipulation psychologique par rapport à la faiblesse de l'autre. Oui, voilà. Une forme d'arme aussi. C'est ce qu'on voit dans la radicalisation. Bien sûr, l'endoctrinement. Pascal ? C'est pour ça, d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, que je pense que le procès des armes, il est un peu aberrant, parce que en fait, il y a beaucoup de meurtres qui sont dus avec des objets contondants. Et c'est pour ça que c'est très complexe. Ouais, donc, que ça soit un arc et des flèches, ça peut tuer. Donc, quelqu'un qui veut tuer, il tuera de toute façon, que ça soit avec une arme à feu ou avec autre chose. Moi, j'en mets, c'est l'arc. Donc, c'est pas l'arme à feu. Pascal. Oh, un arc avec des flèches de chasse, je te promets, ça te traverse. Mais alors, comme une flèche. Sur une cible. Ah ouais, mais il faut s'entraîner quand même. Pour moi, c'est pas l'arme à feu qui est le problème. Le problème, c'est les gens qui veulent tuer, qu'ils aient une arme à feu. C'est pour ça que j'élargis les armes chimiques, les gaz au sarin, empoisonner l'eau, les bactéries, tout ça, ça peut être aussi une arme qui peut. On peut aller jusqu'à l'arme nucléaire, c'est-à-dire avec le principe de la fission nucléaire, de la fission de l'atome, et puis générer une énergie destructrice avec de la radioactivité aussi. Enfin, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a une telle foultitude de possibilités de détruire gens, des choses. Finalement, est-ce que la question philosophique dans tout ça, est-ce que l'arme la plus ultime, c'est pas l'homme ? Bah, bien sûr. Je crois qu'on sera tous d'accord autour de cette table-là. Oui. Félicien, dernier mot. Mais non, mais moi, je sais pas l'homme. J'ai pas envie de prendre une arme pour tuer. J'ai envie de prendre une arme pour me défendre si on m'attaque. Mais vraiment. Et ben donc, c'est bien ce qu'on dit. On en revient au même. Mais on est bon, d'accord. Je vais pas. Si quelqu'un m'attaque, tant Pascal. Si quelqu'un m'attaque au couteau, au revolver, je vais pas prendre un couteau. Si on m'attaque, je vais pas prendre un revolver ou un couteau puis tuer la personne. J'ai mis une bombe lacrymo. Oui, mais ça, c'est des situations quand on n'y a pas été confronté. Oui, mais moi, j'y étais confrontée. D'accord, Jean-Baptiste. Tu peux parler de cet exemple-là. Oui, mais quand on n'a pas été confronté à quelqu'un qui nous menace avec une arme, on ne sait pas comment on va réagir. Eh bien, la bombe lacrymo, il est Il y a l'instinct de survie aussi, bien sûr, dans ces parce cas-là. Parce qu'en se défendant, on peut aussi tuer quelqu'un. Ouais. Si quelqu'un nous attaque, qu'on prend un ciseau ou je sais pas quoi et que c'est grave, on peut tuer l'agresseur. On n'a pas eu trop ton avis d'ailleurs, Magali. Je vois que tu prends la parole. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Moi, les armes, je suis contre. Moi aussi. Parce que ça n'a rien, ça n'apporte rien, tuer l'autre. Ça t'apporte quoi, tuer quelqu'un? Même si tu ne l'aimes pas, pourquoi le tuer? Non, mais je te pose la question à toi. Oui, c'est ton avis qui m'intéresse. Oui, parce que dans d'autres pays, on entraîne même les petits-enfants à tuer. Moi, je trouve ça... Ça te choque? Bah, les oui. enfants, la guerre, ouais. Ouais, en Afrique. Est-ce que tu as déjà eu dans ta vie, dans ton parcours, eu affaire à une arme pour te défendre, ou même par loisir, par des amis qui t'ont dit tiens, tu voudrais venir tirer avec nous voir, Non, jamais. Jamais. Jamais. Oui. T'as jamais utilisé d'armes sous quelque forme que ce soit? Non. D'accord, ok. Non, mais c'est intéressant. Oui. T'es une vraie pacifiste dans l'âme. Ça fait du bien dans ce monde de brutes. Pascal, un dernier mot, et puis on enchaînera avec la pause musicale, qui est d'ailleurs très raccord, hein, Dominique. Hein, on verra. Oui, d'ailleurs, suite. La musique aussi. C'est juste un exemple personnel. Quand je traînais dans Paris, je prenais toujours un couteau pour me défendre. Et on m'a dit vaut mieux que tu aies rien plutôt qu'un couteau. Parce que tu sors ton couteau, forcément, ça va finir mal. Si tu n'as rien, tu prends une raclée, peut-être tu pourras t'en sortir. Ouais. Mais je suis bien d'accord. Comme je disais encore pour conclure, on a tendance souvent à réduire les armes en tant qu'objet, en tant qu'objet qui est fabriqué pour un moyen de défense ou pour un moyen de détruire. Mais il y a d'autres armes, comme on l'évoquait, chimiques, psychologiques, manipulation, c'est que nous l'évoquions, qui sont aussi des armes redoutables et qui peuvent atteindre un peuple entier, voire des millions de gens. L'endoctrinement. Bah, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Quand on voit la montée du nazisme, par exemple, entre 1933 et 1939, avec Mussolini, Hitler, Göring, tout ça, quand on voit qu'un petit groupe de personnes ont réussi à endoctriner et amener au génocide de la Deuxième Guerre mondiale sur des millions de gens, on se dit ça aussi c'est une arme absolument redoutable parce qu'on utilise la mécanique de la psychologie, on influe sur l'émotionnel de l'autre et on le plie à des ordres, et ça c'est quand même très inquiétant. On le voit d'ailleurs, l'idéologie est très inquiétante en elle-même quand elle est comme ça utilisée à mauvais escient. Quelque part, c'est ce que je vois aujourd'hui avec le Front National qui monte. On se sert de la misère humaine en donnant des fautifs, alors que c'est pas forcément ça la réalité. En parlant du populisme d'une manière générale. Oui. Pour finir, comme dit Renaud, à propos de la femme, l'arme fait frissonner tes ovaires. Et c'est pas réduit qu'aux femmes. On a tous peur des armes. Non. Non, je pense pas qu'on ait tous peur des armes. Il y a des personnes, c'est vraiment une passion. Il y a des personnes qui pour eux, c'est une force. C'est une prolongation d'eux-mêmes. Ouais. Aussi comme d'autres, ça sera la voiture. Ouais. Je pense que c'est vraiment le rapport qu'on a dans la vie aux autres. C'est complexe, c'est plus complexe que ça, je pense, Félicie. Ouais. Oui, Pascal. Non, mais pour en venir au physique, certains disent que c'est la prolongation du pénis. Ah oui, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est très intéressant. Quand il y avait eu l'acte terroriste de Charlie Hebdo, j'avais vu un dessin qui était terrible, mais qui était drôlement bien croqué. C'était justement un terroriste qui avait à la place du pénis une Kalachnikov. Et j'ai trouvé que c'était un dessin qui était vraiment parlant à l'époque pour répondre à ses collègues. Ce dessinateur avait répondu à ses collègues, mais évidemment par cette ironie. Pour en revenir au livre de Dominique, ils ont été tués. Pourquoi dans la maison? Par les guerres, par les crimes. Et ces personnes qui ont été tuées par une Winchester viennent hanter la maison de Sarah Forrest. Ah oui, c'est des gens qui ont habité là, quoi. Winchester. Mais c'est des gens qui se retournent contre le constructeur de l'arme qui les a tués. Exactement. Voilà, Alors, je vous propose une pause musicale que Dominique a choisie par rapport à son thème, qui est Nancy Sinatra et le titre évocateur Bang Bang. On se retrouve tout de suite après. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground. Bang Bang de Nancy Sinatra, sans vous évoquer la reprise que Sheila avait fait dans les années 70, un peu plus disco, un peu plus en mouvement, en énergie. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Guémozo, dans l'émission 90 minutes pour Boomerang avec nos amis Félicie, Magali, Dominique, Segundino, moi-même Jean-Baptiste et Pascal à la technique. Eh bien, on continue avec l'ami Félicie qui va nous parler d'un petit livre. Un tout petit livre bien plaisant. C'est d'une collection que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Solitaires Intempestifs. C'est des petits livres bleus, des petites pièces de théâtre. Alors, faut que je me rapproche de mon micro. L'auteur, c'est Jean-Luc Lagarce. Le titre, c'est J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. Alors, il s'agit de cinq femmes, en fait. Je vais expliquer rapidement. Il y a la vieille, la grand-mère, la mère, les trois filles, l'aînée, la seconde, la cadette, et le frère et le père. Donc, ils sont une famille. Et un jour, le père, il s'embrouille souvent, le père et le fils. Et chaque fois, le fils part, il part de trois jours, mais il revient. Jusqu'au jour où le père le chasse et il ne revient plus. Et les cinq femmes l'attendent. Elle ne bouge pas, elle se prive de vie, elle se prive de se marier, elle se prive de plein de choses. Et donc du coup, elles l'attendent, tous les soirs elles l'attendent. Et c'est l'aîné, un jour, qui le voit rentrer. Mais en fait, elles ont été frustrées. Le thème du livre, c'est sur la frustration, parce que elles ont été frustrées pendant des années de ne pas savoir ce qui devenait. Parce qu'ils n'envoyaient pas de nouvelles, ils ne revenaient pas. Donc, elles sont frustrées de ne pas avoir des nouvelles de lui. Et quand il rentre, il est à moitié mourant. Elles sont obligées de le transporter dans son lit. Et elles ont une autre frustration, c'est qu'il est endormi, il est malade et il ne peut pas parler. Et elles vont, dans la pièce, dans la chambre, elles vont s'arracher, elles vont s'arracher l'amour qu'elles avaient pour lui. Mmh. Alors la grand-mère défend son petit-fils, la mère c'est son fils, le lien est très fort. L'aîné lui reproche à son frère de lui avoir privé d'une vie. Elle est institutrice mais elle n'a jamais eu de vie. Mmh. La seconde, elle va jamais au bal, elle est triste comme la mort. Et la petite, on l'a dit idiote tellement elle est triste. Et en fait, ces femmes-là vont avoir une double frustration. Elles vont l'attendre pendant 5 années. Ils disent pas, hein. Jean-Luc Lagarce ne dit pas vraiment combien d'années, mais pendant des années, elles vont l'attendre, frustrées de ne pas avoir de nouvelles, et quand elles vont rentrer, il y aura à nouveau une frustration de ne pas savoir ce qu'il a fait. Alors, une première réaction de Pascal. Oui. Moi, ce qui m'étonne, c'est que la fille, quelque part, a une relation incestueuse avec son propre frère, parce que je ne comprends pas qu'elle se refuse de se marier parce que son frère n'est pas là. Ce n'est pas parce que son frère n'est pas là qu'elle doit arrêter sa vie. Donc, quelque part, il y a une relation très incestueuse. On ne sent peut-être pas inassouvie, mais alors, je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait. Non, parce qu'elle a des hommes quand même. Elle a des hommes de passage comme ça. Elle dit, depuis que mon frère est parti, j'ai plus de... Enfin, elle ne s'est pas dit comme ça dans le livre, mais on sent qu'elle dit que son frère est parti et que il est parti, c'est une tellement grande place dans son cœur qu'en fait elle peut pas aimer d'autres hommes, quoi. C'est il y avait, un amour incestueux de la sœur envers son frère. Non, il y a pas quelque ça part si, sinon elle, je vois pas pourquoi elle refuse l'amour d'un autre homme. Mais c'est un espèce de huis clos de femme, moi je sais pas. Pardon Félicie, c'est intéressant ce que vient de dire Pascal. Moi ça m'interpelle sur une question que je voudrais te poser, Pascal. Tu dis il y avait un amour incestueux, donc elle ne pouvait pas aimer un autre homme. Elle se refusait. Que tu développes, c'est intéressant. Elle dit qu'elle a arrêté sa vie, qu'elle a eu que des passades. Oui, avec non, mais ça hommes. J'ai compris, mais tu as l'air d'être convaincu de ça. Moi, ça m'intéresse de savoir dans ton fort intérieur pourquoi fort tu fais intérieur, ce lien entre les deux. Parce que comment elle peut refuser l'amour avec les autres hommes, mm-hmm. c'est qu'il y a un blocage. Le blocage, c'est son frère. Bon, oui. si son frère, il bloque sur l'amour, c'est qu'elle a de l'amour pour son frère, mais un amour qui n'est pas tellement réel, qui est pratiquement incestueux. C'est pas forcément... Oui. Je suis assez d'accord avec deux... Attends, excuse-moi, c'est... je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Dominique. Ça, ouais. Peut-être une relation idéalisée avec son oui. frère. Sublimée. Oui, voilà. Dans le livre, l'explication est toute simple. L'explication est toute simple. Elle est tellement inquiète de ne plus le revoir que ça la bloque complet. Voilà. C'est le souci, voilà. Le souci qui fait que elle oui, mais peut pourquoi plus bouger. Mais pourquoi, pourquoi tu réponds pas à la question en affirmant ça. Il fait partie de la famille. On aime notre famille. Enfin, bah oui, mais oui. Bien sûr. Ah, oui, mais bon, on a tous des frères et sœurs. Pas tous en même temps. C'est et comment dire. Ça l'a mis, comment dire, dans un état où elle ne peut plus avancer. Exactement. Elle le privilégiait. Il n'y a pas forcément un inceste. Elle le privilégiait. Oui. Donc voilà. On rejoint un peu ce que dit Dominique. On peut même dire, si elle trouvait quelqu'un alors que son frère est là, c'est quelqu'un qui ressemblerait à son frère. Ouais, oui, donc il y a une idéalisation dans ce que tu oui, dis. Mais il y a une notion d'idéalisation, de stigmatisation sur le frère. Pas d'inceste. Hein. Voilà. Alors, ouais. Non, mais j'ai pas dit que c'était une relation incestueuse. J'ai dit que c'était un amour incestueux. Tu as évoqué l'inceste. L'inceste, c'est un mot précis, Pascal. Oui, mais j'ai dit que c'était un amour incestueux, pas une relation. Oui, mais un amour incestueux, à partir du moment où il n'y a pas l'acte, à partir du moment où il n'y a pas une manifestation physique de l'intégrité de son frère, envers l'intégrité de son frère, est-ce qu'on peut parler de. Mais c'est intéressant comme débat. D'inceste départ. Parce qu'on peut très bien fantasmer sur un cousin, une cousine, une personne proche qui est liée par le sang, mais ne pas forcément passer à l'acte incestueux. C'est deux choses différentes. Je pense que peut-être là, il y a peut-être une petite notion d'amalgame. Après, il faut voir les frontières. Oui, voilà. Ben, moi qui quelles sont les frontières. Moi qui ai lu le livre, je peux vous en parler. C'est plutôt ce que Secundino et Dominique disent aussi. Oui. Que c'est un amour idéal. Idée sublimée, idéalisée. C'est un grand frère. Le petit frère. Donc peut-être elle veut le protéger aussi. Oui, il peut y avoir aussi effectivement une notion de protection. Évidemment, oui. C'est vrai. Et donc ce livre, il est pas mal. Et en fait, l'auteur, il est rigolo parce qu'il fait toujours des répétitions. Par exemple, celle-là, oui, celle-là même, justement, qui avait aimé le frère. Celle-là, oui. Et je vais reprendre mon livre et vous lire un extrait de la page 36. Donc qui illustre ce que l'on évoque. Qui illustre en fait les répétitions. Toutes ces années, nous les avons passées ainsi. Nous les avons perdues ainsi, sans imaginer qu'elles puissent durer aussi longtemps. Cela, nous ne le savions pas. Nous ne pouvions pas le savoir. Nous l'aurions su, qu'est-ce que tu crois ? Nous l'aurions su que nous l'aurions empêché, nous l'aurions retenu. Il fonctionne sur des répétitions de phrases qui donne un aspect assez dramatique, en fait. Mais on sent justement dans ce côté dramatique et cet esprit de dramaturgie qu'il y a une notion de protection, d'idéalisation. L'oubli du temps qui passe aussi, le temps qui ne compte plus. Oui, mais justement, quand on idéalise quelqu'un ou qu'on se focalise sur quelqu'un parce qu'on le sublime, on perd un peu la notion du temps linéaire, en tout cas, de la temporalité, de l'espace-temps. C'est vrai ce que tu dis. Je peux vous lire encore un ou deux extraits. Elles n'ont pas de nom, toutes les mêmes les filles, rien d'autre. Jamais personne ne les appelle et entre elles, jamais elles ne se nomment. La plus vieille ou la plus jeune, la plus grande, la grosse, la maigre, celle-là aux cheveux longs ou la triste, la douce ou la rieuse, encore celle qui rit toujours. Et le jeune homme, dans ce petit lit en fer, son lit d'enfant, le jeune homme dort, mais jamais on entend le son de sa voix. Alors, ces jeunes filles pourraient s'appeler Louise, Hélène, Solange, Béatrice et Anne, comme dans les films. Je chorégraphique les variations sourdes dans la maison familiale, un peu comme dans Huit femmes. De François Ozon. Oui, excusez-moi. S'appelait aussi Electre, Chrysothémis, Iphigénie, Clytémestre, ça c'est dans la mythologie. Et la femme captive, la Troyenne. Et le jeune homme, Oreste. Ou encore toujours pareil, Olga, Masha, Irina, Nataliova, Ivona, celle-là qu'on n'aime pas. Et la vieille Anfissa, épuisée par le labeur. Toutes les saintes qu'a regardé la vallée qui conduit vers Moscou et à se déchirer le naufrage un peu minable d'un frère au costume trop large. Et cela aussi dans un autre moment. Mmh. C'est-à-dire que ce livre, il l'a écrit, c'est intemporel. Ça peut se passer n'importe quand. Que ce soit dans la mythologie, ou en Russie il y a longtemps, ou maintenant. Donc là, l'édition que tu nous as amenée en studio, elle a une vingtaine d'années. Elle est aux éditions Les Solitaires Intempestifs. Voilà, on peut, tu te l'es procuré. Il t'appartient ou c'est un livre que tu... C'est quelqu'un qui me l'a prêté du théâtre, mais Les Solitaires Intempestifs, j'avais acheté la nuit au cirque. Je pense qu'on peut le commander. On peut encore le commander, soit en réédition, ouais, soit sous une autre... D'accord. En fait, c'est une petite pièce de théâtre. Hein. Oui. Il y a cinq personnages, les cinq femmes. Et bon, ben voilà, ouais, c'est... Tu nous parles quelques minutes juste de la programmation aussi de cinéma, Félicie, de cette semaine. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu nous invites à aller voir? Alors, il y a Deadpool, c'est un film d'action. Ouais. Avenger, on connaît, hein, Infinity War. Rampage, Hors de contrôle, c'est un film d'aventure. La prière, c'était un drame de Cédric Kahn. Alors moi, j'aime bien les drames. Voilà. Il y a Taxi 5, qui est une comédie. On doit connaître le 1, le 2, le 3. Moi, je ne connais pas. Il y a Pierre Lapin, qui est toujours à l'affiche parce que les gamins adorent. Moi, oui, tu en avais parlé. Ouais. Mmh. La petite fille qui est passée. Maman, oh, je veux voir Pierre Lapin. Et c'est trop mignon, je crois. Et prochainement, alors, ils ont écrit ce qu'il y avait la semaine prochaine. The First Murder, c'est un drame de Cédric Kahn encore. Cette semaine prochainement. The First Murder, il y a Solo, A Star Wars Story, Everybody Knows. Alors moi, celui-là, je vous le conseille. Everybody alors, c'est ton coup de cœur de la semaine. Ouais, je suis passée, j'ai regardé l'affiche, je ne sais plus trop ce qui se passe, mais... j'avais vu une bande-annonce aussi à la télévision. Franchement, ça a l'air bien. Pascal, tu veux dire un mot sur ce film ? Oui, Deadpool, il faut expliquer ce que c'est quand même. C'est un super-héros qui est immortel et qui se bat justement avec des couteaux, des sabres. Bon, Solo, c'est Star Wars, en fait. C'est l'histoire de Han Solo quand il rencontre Chewbacca au tout début, en fait. Ouais. C'est quand même... Oui, bon, après, ça peut rencontrer un public aussi. Si, hein. Comment il s'appelle, celui-là? Il y a beaucoup qui y vont. Hein. Comment il s'appelle, celui-là? Deadpool et Solo. Solo, en fait, c'est Han Solo. Et en fait, il paraît que c'est une version un peu différente de Star Wars qu'on a vu habituellement. Mais il y a beaucoup de public qui aime ce genre de film. Hein, et moi, je me permets de parler un peu des autres parce qu'ils sont peut-être plus... Enfin, il est passé au Festival de Cannes hier, Han Solo. D'accord. Oui. Deadpool ou... Non, Solo. Non, Solo. Ok, donc c'est le moment d'aller le voir. Il y a Everybody Knows aussi, un super beau film. Transit et Jurassic World, Fallen Kingdom et Ocean 8. Enfin, d'accord. En français, 8 océans, quoi. Bah oui, c'est la Ocean 12, Ocean 11, Ocean, c'était Ocean, c'est le nom de famille du chef de la bande de braqueurs. Ah ok. Tu nous rappelles les horaires oui, du cinéma? Alors, on est mercredi. Pour que nos amis puissent... Alors, ce soir, à 20h30, il y a Deadpool, 20h30, Avenger... Infinity War, 16h30, ça va être un peu court. Sinon, demain, jeudi, alors à 20h30, il y a Deadpool 2. À 20h30, La Prière. Alors, celui-là, je ne l'ai pas vu. Il est où, La Prière? Si, j'en ai parlé. Bon, de toute façon, nos amis pourront regarder sur le site. Se renseigner directement. En tout cas, c'était bien d'évoquer toutes les sorties. Merci à toi, Félicie. Oui. Donc, on sera tous d'accord autour de cette table. On va peut-être dédier cette émission cette semaine à la chanteuse Morane. Morane qui nous a quitté le 7 mai dernier à l'âge de 57 ans. Morane qui a eu une très jolie carrière francophone, qui aimait Nougaro, qui aimait Brel aussi, puisqu'elle s'apprêtait à remonter. Elle était remontée d'ailleurs de 3 jours avant sa disparition sur scène. Après 2 ans d'absence, la scène c'était aussi sa vie. Cette voix... multiple, qui lui permettait aussi bien d'aller dans le blues, la variété, même pourquoi pas aussi un peu de rock, même si c'était pas son terrain de prédilection. Elle a joué avec. Elle a eu une carrière. Oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, et puis elle a eu une petite carrière au cinéma aussi. Ouais. Tu dis multiple, rock, variété. Elle était surtout plutôt jazz, blues. Et elle a fait la comédie Starmania, comme on dit. Oui. Elle avait une voix qui pouvait vraiment passer dans plusieurs domaines et s'accorder avec beaucoup de chanteurs et chanteuses, entre autres quand elle avait fait des duos, que ce soit avec Johnny, Lara Fabian, Nolwenn Leroy plus récemment. Et on va s'écouter, comme elle aimait beaucoup Nougaro, qu'elle l'admirait, qu'elle lui avait demandé des conseils et le rencontrer il y a quelques années et qu'elle a pu le rencontrer, elle est devenue amie avec. Et c'est lui-même ensuite qui l'a vraiment, réellement catapulté aussi, lui a donné en tout cas sa signature qu'elle a eue par la suite. On va s'écouter Bidonville sur Radio Gamozo, une chanson qu'elle avait interprétée en 2010, une chanson de Nougaro. A tout de suite. Je t'entends, je t'entends. Morane sur Radio Guémozo dans l'émission 90 minutes pour Boomerang. On pense bien sûr à elle et grâce à la magie musicale, elle est intemporelle. Allez, on enchaîne cette dernière partie d'émission avec notre amie Magali qui va nous parler d'un sujet plus léger, mais pourquoi pas aussi peut-être grave, qui sait, on verra bien. Le légume aujourd'hui qui est mis à l'honneur dans ta, ta prestation, c'est l'asperge. Oui, on n'en parle pas assez souvent de l'asperge. Ah pourquoi d'ailleurs tu dis ça ? C'est normal, ça donne une urine qui est très très forte. Non, parce que bon, c'est peut-être parce que les gens ils préfèrent comme légumes l'asperge. Eh ben, tu vas peut-être nous donner envie de la démocratiser peut-être plus, mais je pense quand même qu'elle est appréciée par beaucoup de monde. Oui, c'est délicieux. L'asperge, elle peut se trouver verte, blanche ou violette. Chaque année, on peut la déguster en avril, mai et juin. Ce sont les trois mois de pleine saison. Ses origines, est-ce que vous savez l'origine de l'asperge ? Je vais vous la dire. Je viens d'Asie et du bassin méditerranéen. Au XVIe siècle, j'étais très appréciée par la cour de France. On me surnommait le légume royal. Mes bienfaits légers et digestes, je suis sûre de vitamine C. Ma famille. Je fais partie de la famille des liliacées, tout comme le poireau, l'ail et l'oignon. Où je peux me produire ? On se récolte dans la région Centre-Val-de-Loire, en Occitanie, dans le Grand Est, dans la Nouvelle-Aquitaine, notamment dans le département des Landes qui a obtenu un ING, indication géographique protégée pour la variété asperge des sables des Landes. Moi, je voulais savoir si vous aimiez l'asperge et comment vous la mangez. Alors, moi j'aime l'asperge, mais on peut aussi évoquer l'asperge en Alsace aussi, oui, qui est très vers Heurte, les asperges de Heurte, dans l'Alsace du Nord, dans le Bas-Rhin, qui sont réputées. Après, on peut les manger de différentes manières, cuites et à la et après froides, refroidies à la mayonnaise, avec du jambon de Parme, du jambon italien, à la vinaigrette, et puis sous d'autres formes après, parce qu'il y a différents types d'asperges. Oui, oui. Ouais, Félicie, ça a l'air d'inspirer le légume de l'asperge. J'adore les asperges. Alors pourquoi ? C'est fin, c'est savoureux, il y a un goût qu'on ne retrouve dans aucun légume. Par exemple, les pommes de terre, on va prendre des races différentes, mais il y aura quand même toujours le goût de la pomme de terre. Mais l'asperge, on dit que le poireau est l'asperge du pauvre. Ouais, j'ai déjà entendu et ça. C'est vrai, le poireau aux vinaigrettes, c'est très très bon. Oui, les asperges à la vinaigrette aussi. Oui. Mais l'asperge, c'est pas étonnant qu'elle était à la cour. Parce que c'est meilleur que le poireau. Ce qui est marrant dans Boomerang, c'est qu'on est plusieurs et que chacun a son avis. Oui. Et je vois Dominique qui fait la grimace. Alors, transmets ta grimace en radio maintenant. J'étais une période, j'aimais pas les asperges. Il y avait souvent des repas de famille, des communions où il y avait toujours. Parce que c'était peut-être lié à une ambiance ou à une époque de ta vie que tu n'aimais pas. Donc t'as... Oui. Et puis, j'ai découvert, j'aime bien les risottos aux asperges. Ouais. Tu peux nous en dire deux mots ? Ça a l'air sympathique, ça. Les risottos aux asperges, il faut faire un bouillon. Ouais. Et puis, mettre le riz, incorporer les asperges, parmesan et voilà. Ah, c'est sympa. Et tu en fais souvent ? Oui. Elle t'en fait souvent, Pascal ? Jamais, pour l'instant. Jamais, attention. Moi, je fais plutôt les boîtes. Les asperges, il faut les blanchir d'abord, mais dans les risottos, il faut faire cuire le riz et rajouter les asperges à la fin. Ouais. Mais il y a une chose qui est très très bonne aussi et qu'on ne parle pas souvent, c'est ce que j'appelle les asperges des bois. C'est des petites asperges très fines qui font 20-30 cm. On peut ramasser en ce moment, d'ailleurs. On a ramassé les cages au complet. Et pour faire des veloutés aux asperges, parce que le velouté aux asperges est très bon aussi. Mais il n'y a pas que l'asperge en vinaigrette, il y a les asperges cuites qui se mangent chaud dans les légumes aussi, il y a soupe, plein de façons. Mais ça reste quand même un légume de saison, on n'en a pas toute l'année. Bon, moi les asperges, ce n'est pas extraordinaire parce que mon père en cultivait les asperges, donc pour moi c'était assez courant. Oui, ce n'est pas pour toi un mets comme ça particulier. Ça pousse dans le sable ? Ça pousse dans une terre qui est sableuse, oui. En pleine Lorraine, on en trouve, là. Enfin, tu parlais de. C'était dans la Meuse, mais les asperges sauvages, oui, j'en ai trouvé dans la Meuse. En forêt, La Meuse. Dans les Vosges, j'en ai pas trouvé. Bah, non, mais plus en Meurthe-et-Moselle et puis sur la Meuse aussi, ouais. Mais, oui. Est-ce que tu as des idées de recettes à nous proposer dans ta chronique concernant l'asperge ? Il y a une petite idée de recette toute seule. Ah, alors on t'écoute. C'est marqué les enfants, mangez moi. Œuf cocotte à l'asperge. Ah oui, délicieux. Ça, voici une façon amusante de manger des asperges délicieuses. C'est tout simple. Coupez deux asperges cuites en tronçons, en petits bouts. Déposez les tronçons dans un ramequin. Recouvrir d'une cuillère de crème fraîche et cassez un œuf. Salez et poivrez selon votre goût. Vous pouvez même ajouter un peu de gruyère râpée. Enfournez 5 minutes à 70 degrés puis dégustez. Vous pouvez manger aussi votre œuf avec des mouillettes ou du pain et des pointes d'asperges. Oui, c'est un peu comme un œuf mollet en fait, parce que la crème elle devient liquide et l'œuf il devient comme un œuf qu'on fait pour faire un œuf sur du pain avec de la sauce tomate. Il est cuit dans un liquide. Oui, oui. Donc on s'aperçoit déjà que c'est un légume qu'on peut manger froid, chaud. Oui, on peut manger froid, chaud. Avec différentes déclinaisons d'accompagnement. Oui, oui. Je pense, Dominique, est-ce qu'on peut faire des gratins d'asperges? Oh oui. Oh, sans doute, oui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Je confirme. Mais gourmande. On a pas trop. On a alors, pas trop. Elle regarde Pascal d'un air. Il y a une chose qu'il faut dire quand même, c'est que l'asperge fait partie des légumes diététiques. Ouais. Oui. Ah ouais. C'est pas trop calorique l'asperge. C'est plein d'eau. Ah bah tu manges des asperges et des champignons, je te promets, tu grossis pas. Hein. Mm. Puis c'est diurétique aussi. C'est Godinot, on t'a pas trop entendu sur les asperges. tu échapperas pas. J'aime bien, mais j'ai toujours goûté le plus simplement possible, et puis froid. Mm. Froid avec de la vinaigrette. Ouais. De la mayonnaise. Voilà. Une bonne mayonnaise maison. Ouais, c'est vrai qu'en Alsace, celles qu'on cultive et qu'on récolte, on a tendance à les manger comme ça, ou accompagnées de jambon fumé. Ah, aussi oui, du jambon fin, jambon italien, ou jambon de Parme. Ouais, Pascal. Non, juste une petite erreur. J'ai dit qu'en fait, quand ils cuisaient dans la crème, c'était comme un œuf mollet. Non, c'est comme un œuf poché. Pardon, excusez-moi. Oui, ça, c'est le cuisinier qui rectifie. Ah oui. Le petit plus. En tout cas, et vous savez comment. Pas tous en même temps. Magali? Et vous savez comment on cuit les asperges? Non, ça peut. Ah bah, explique-nous. Asperges blanches ou violettes, il faut l'éplucher avec un économe de haut, du bas vers la pointe. Jusqu'à là-bas, n'oubliez pas de couper son talon, parce que le talon ne le mange pas. Cuisson à l'eau, l'asperge verte, plongez-la dans une eau salée bouillante durant 15 minutes. L'asperge blanche ou violette, comptez 20 minutes de cuisson. Conseil, cuisez-les-moi en bottes, les pointes dirigées vers le haut. Alors peut-être une précision technique de Pascal. Le talon, tu le coupes pas, tu le casses. Mmh. Parce qu'en fait, quand tu le casses, les fibres peuvent rester sur le talon. Que quand tu le coupes, il y a des fibres. Parce que l'asperge, quand tu manges le bout, il est tendre. Mais plus tu vas vers le pied, plus ça devient dur. Oui, bah oui. Donc oui, c'est surtout la tête, la première partie supérieure qui est plus tendre. Si elles sont petites, tu peux manger l'asperge. Oui, l'ensemble. Mmh. On en trouve d'ailleurs en bocaux dans les grandes surfaces. Oui, des petites, il y en a des petites comme ça vertes. Que j'achète. C'est comme les fonds d'artichaut, après on peut faire une salade. Ah, l'artichaut, c'est bon ça aussi. Et on peut aussi les cuire à la vapeur, 10 minutes pour les plus fins et 15 minutes pour les plus grosses. Voilà. Ouais, en fait, tu les blanchis les asperges, tu les fais cuire à l'eau. Donc, autour de cette table, on a l'air d'aimer les asperges. Ah oui. Ça donnera peut-être envie à nos amis qui nous écoutent sur Radio Gémozo de peut-être se précipiter pour en acheter ou s'en procurer et les cuisiner. Il doit y avoir plein de recettes avec. On peut changer, c'est vrai que. Oui, c'est le moment, c'est l'époque des asperges. Profitez-en, allez courir dans le magasin, achetez votre botte. Bon, bah, on te remercie en tout cas, Magali, d'avoir évoqué ce légume qu'est l'asperge. On va finir cette émission avec une dernière pause musicale. Maître Gims et Vianney. Duo improbable, mais pourquoi pas. Il y a de la poésie dans l'air avec La Même. On se retrouve tout de suite. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey, c'est la même. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe,